Chapitre 10. Causerie intime. Ces réflexions furent interrompues par le retour bruyant des enfants. Ils arrivaient, traînant après eux des rignies, qui partageaient leur gaieté et faisaient mine de vouloir s'échapper. Il reprit son sérieux en se présentant devant le général. « Les enfants disent ce que vous me demandez, mon général. »« Oui, mon ami, apportez-moi ma boîte de cigares, ma pipe et nos livres de comptes et d'affaires. » À l'avenir, nous travaillerons ici le soir, puisque ma nièce veut bien le permettre et qu'elle trouve que je ne la dérange pas en m'établissant chez elle. « Merci, mon oncle, que vous êtes bon !» s'écria Natacha en se jetant à son cou. « Voyez, voyez comme le visage de maman est changé. Elle a l'air presque heureux. » Madame d'Abrovine sourit, embrassa sa fille et baisa la main de son oncle, qui se frotta les mains avec une vivacité qu'elle ne lui avait pas encore vue. Dérigné paraissait aussi content que le général. Il s'empressa de faire sa commission et compléta l'établissement en lui apportant la petite table chargée de papiers et de livres sur laquelle il avait l'habitude de travailler et d'écrire. Le général. « Bravo, mon ami, vous avez de l'esprit comme un Français. Je n'avais pas voulu vous parler de la table pour ne pas trop vous charger. Je suis enchanté de l'avoir. Je commence à m'arranger chez toi comme chez moi, ma fille. » « Dérigny ne te gênera-t-il pas? J'ai souvent besoin de lui pour mon travail. »« Ceux que vous aimez et qui vous aiment, mon oncle, ne peuvent jamais me gêner. C'est au contraire un plaisir pour moi de voir M. Dérigny vous soigner, vous aider dans vos travaux. En le voyant faire, j'apprendrai aussi à vous être utile. » Natacha. « Et moi donc, n'est-ce pas, M. Dérigny, que vous me direz ce que mon oncle aime, ce qu'il n'aime pas et ce que je puis faire pour lui être agréable ?» Dérigny. Mademoiselle, monsieur votre oncle aime ce qui est bon et franc. Il n'aime pas ce qui est méchant et hypocrite. Et puisque vous m'autorisez à vous donner un conseil, mademoiselle, soyez toujours ce que vous êtes aujourd'hui et ce que votre physionomie exprime si bien. Le général. Bien dit, mon ami. J'ajoute, sois le contraire de ta tante et tu seras la doublure de ta mère. À présent, Dérigny, allumez-moi ma pipe. « Rendez-moi compte des travaux et des dépenses de la semaine, et puis j'irai me coucher car il commence à se faire tard. » Quand le général eut terminé son travail, Dérigny lui présenta un papier en le priant de le lire. Le général, après l'avoir lu. « Qu'est-ce ? Qui a écrit ça ? » ?»« Madame Papovski, mon général. » »« Et pourquoi me le montrez-vous ? » ?»« Parce que Madame Papovski veut que tout soit acheté à votre compte, mon général. » Et je n'ai pas cru devoir le faire sans vous consulter. Vous avez bien fait, mon cher. C'est parbleu, trop imprudent aussi. Figure-toi, Nathalie, que ta sœur veut faire habiller son cocher, son forriteur, postillon, son courrier, ses laquais, ses femmes, 6, je crois, en m'obligeant à tout payer. Bien mieux, elle ordonne qu'on change les 12 mauvais chevaux qu'elle a amenés contre les plus beaux chevaux de mes écuries. Je dis que c'est par trop fort. « Ces commissions ne vous donneront pas beaucoup de peine, Dérigny. Voici le respect qui leur est dû. » Le général déchira en 1000 morceaux la feuille écrite par Madame Papovski, se leva en riant et en se frottant les mains, embrassa sa nièce, sa petite nièce, ses petits neveux, et quitta le salon avec Dérigny pour aller se coucher. Les enfants qui avaient fait une veillée extraordinaire et qui s'étaient amusés, éreintés, ne furent pas fâchés d'en faire autant. Il était 9h30. Madame d'Abrovine et Natacha ramassèrent les livres, les cahiers épars, et les rangèrent dans les armoires destinées à cet usage, pendant que la femme de chambre, et bonne tout à la fois, préparait le coucher des garçons et rangeait les habits pour le lendemain. Natacha avec gaieté. « Madame Dérigny a cru que nous apportions tout ce que nous possédons, maman. Voyez que d'armoires nous avons. Une seule suffit pour contenir tous nos effets, et il reste encore bien de la place. » Madame d'Abrovine. Elle nous croit plus riches que nous ne sommes, ma chère enfant. Maman, comme mon oncle est bon pour nous. Oui, bien bon. Il l'a toujours été pour moi et pour ton pauvre père. Nous l'aimions bien aussi. Maman, pourquoi n'est-il pas bon pour ma tante? Je ne sais pas, chère petite. Peut-être a-t-il eu à s'en plaindre. Tu sais que ta tante n'est pas toujours aimable. Elle n'est jamais aimable, maman, du moins pour nous. Pourquoi donc ne vous aime-t-elle pas, vous qui êtes si bonne ? Je l'ai peut-être offensée sans le vouloir. Elle n'a probablement pas tous les torts. Mais vous, maman, vous n'en avez certainement aucun. Je le sais, j'en suis sûre. Tu parles comme on parle à ton âge, ma chère petite, sans beaucoup réfléchir. Comment pouvons-nous savoir si on n'a pas fait à ta tante quelques faux rapports sur nos sentiments et notre langage à son égard? Si on en a fait, elle ne devait pas y croire, vous connaissant si bonne, si franche, si serviable, si pleine de cœur. C'est parce que tu m'aimes beaucoup que tu me juges ainsi, ma bonne fille, dit madame d'Abrovine en embrassant Natacha et en la serrant contre son cœur. Elle souriait en l'embrassant. Natacha, heureuse de ce sourire presque gai, étouffa sa mère de baisers. Puis elle dit « C'est mon oncle qui vous a fait sourire le premier, et bien des fois depuis notre arrivée. Bon cher oncle, que je l'aime, comme nous allons être heureux avec lui, toujours avec lui. Nous l'aimons, il nous aime, nous ne le quitterons jamais. » Madame d'Abrovine, la mort sépare les plus tendres affections, mon enfant. « Oh, maman !»« Ma pauvre fille, je t'attriste, j'ai tort. Mais voilà, nos affaires sont rangées. Allons nous coucher. » La mère et la fille s'embrassèrent encore une fois, firent leur prière ensemble et s'étendirent dans leur lit. Natacha était si contente du sien et de tout leur établissement, dont elle ne pouvait se lasser, qu'elle ne put s'empêcher de se relever, d'aller embrasser sa mère et de lui dire avec vivacité « Comme nous sommes heureuses ici, maman !» « Ma chambre est si jolie, j'y suis comme une reine. »« J'en suis bien contente, mon enfant. Mais prends garde de te t'enrhumer, couche-toi bien vite. » Pendant que madame d'Abrovine et sa fille préparaient leur coucher et causaient des événements de la journée, le général causait de son côté avec d'Hérigny, qui devenait de plus en plus son confident intime. « Voilà une perle, une vraie perle » s'écria-t-il. « Je la retrouve comme je l'avais quittée, cette pauvre Nathalie. Moins le bonheur. » Nous tâcherons d'arranger ça, d'Hérigny. J'aime mon plan. D'abord, je lui laisse toute ma fortune, à l'exception d'un million que je donne à Natacha en la mariant. Pourquoi souriez-vous, d'Hérigny? Croyez-vous que je n'ai pas un million à lui donner? Ou bien que je changerai d'idée, comme pour Torchonnet? Est-ce que ma nièce n'est pas comme ma petite fille? Mon général, je souris parce que j'aime à vous voir content, parce que j'entrevois pour vous une vie nouvelle d'affection et de bonheur, et parce que je vois une bonne œuvre à faire tout en travaillant pour vous-même. Comment cela? Quelle bonne œuvre? Mon général, j'ai su, par le cocher et la femme de chambre de madame d'Abrovine, qu'elle était la meilleure des maîtresses, qu'elle et ses enfants étaient adorés par leurs paysans et leurs voisins. Mais madame d'Abrovine est presque pauvre. Son mari a dépensé beaucoup d'argent pour sa campagne de Crimée. Elle a tout payé, et elle est restée avec 1300 roubles de revenus. C'est elle-même qui élève sa fille et ses fils. Mais les garçons grandissent, ils ont besoin d'en savoir plus que ce que peut leur enseigner une femme, quelque instruite qu'elle soit. Et alors? Alors quoi? Voulez-vous être leur gouverneur? Je ne demande pas mieux. D'Hérigny riant. Moi, mon général? Mais je ne sais rien de ce que doit savoir un jeune homme de grande famille. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je voudrais que vous eussiez la pensée de les garder tous chez vous, de payer un gouverneur et toutes leurs dépenses. Vous auriez la famille qui vous manque, et eux trouveraient le père et le protecteur qu'ils n'ont plus. Bien pensé, bien dit, c'est fait. Trouvez-moi un gouverneur, et le plus tôt possible. D'Hérigny stupéfait. Moi, mon général, comment puis-je? Vous pouvez, mon ami, vous pouvez ce que vous voulez. Cherchez, cherchez. Adieu, bonsoir, je me couche. Et je m'endors content. » D'Hérigny rentra chez lui. Les enfants dormaient, sa femme l'attendait. « Une jolie commission dont je suis chargé par le général, » dit D'Hérigny en riant. « Il faut que je me mette en campagne dès demain pour trouver un gouverneur aux jeunes d'Abrovine. » Madame D'Hérigny. « Et où trouveras-tu le gouverneur? Comme c'est facile dans le centre de la Russie, tu ne connais personne. Ce n'est pas Vassili qui te fournira des renseignements. » « Vraiment, notre bon général est par trop bizarre. Comment feras-tu ? » « Je ne ferai rien du tout. J'espère qu'il n'y pensera plus. Mais je regrette de ne pas pouvoir rendre service à madame d'Abrovine, qui me semblait une excellente personne et ne ressemblant en rien à sa sœur. » Madame d'Hérigny. « De même que ses enfants ne ressemblent en rien à leur cousin, mademoiselle Natacha est une personne charmante, pleine de cœur et de naïveté, et les garçons paraissent bons et bien élevés. » Madame d'Érigny et son mari causèrent quelque temps, et ils allèrent se coucher après avoir parlé de leur chère France et de ce qu'ils y avaient laissé.